franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était la question la plus sensible lors des négociations entre les représentants français et algériens. L'avenir du Sahara. Une question cruciale et qui a sans doute retardé la conclusion d'un accord de paix. Le Sahara. Pour les Français et le général de Gaulle, ces millions de kilomètres carrés de désert n'avaient nulle vocation à être algérien. Territoire à peine peuplé, le Sahara, cette vaste mer intérieure de sable et de rochers, aurait pu, à contrario, être géré, exploité en commun par la France et les nations voisines, toutes des colonies françaises. Car on venait d'y découvrir dans les années 50 de considérables ressources en pétrole et en gaz. Et presque naturellement, c'est ce que nous avons vu la semaine passée avec M. X, on a pensé que si le général de Gaulle se refusait à accorder aux indépendantistes algériens la propriété du Sahara, c'était pour sauvegarder cette richesse si utile à un pays, la France, dépourvu de pétrole. Mais il n'en était rien. Si de Gaulle a soudain décidé en septembre 61 de céder aux Algériens, c'était pour de toutes autres raisons. La première, bien sûr, c'est qu'il fallait mettre un terme à cette interminable guerre, cette boîte à chagrin, selon l'expression même du général. Mais il y en avait d'autres, certainement plus secrètes, en tout cas plus obscures. La suite avec M. X. Je ne sous-estime pas l'importance des ressources en hydrocarbures du Sahara dans la volonté du général de Gaulle de garder ce désert dans le giron français. Mais je voulais expliquer dans notre précédent entretien, à l'époque, le pétrole saharien était peu rentable. Oui, à cause du coût de l'exploitation. Et de la nature même de ce pétrole trop léger. Et puis, le marché mondial était alors saturé. D'autre part, si pétrole et gaz étaient une pièce essentielle du plan de Constantine, qui devait sortir l'Algérie française du sous-développement, ils perdaient de leur intérêt à partir du moment où la marche vers l'indépendance devenait inéluctable. Et pourtant, de Gaulle s'est longtemps obstiné. Hein ? C'est juste, jusqu'à l'automne 1961. Et s'il a fini par céder, c'est évidemment qu'il a obtenu des garanties. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, l'essentiel pour lui, c'était nos bases militaires au Sahara. Ouais, et surtout, j'imagine, la base qui permettait à la France d'expérimenter ses armes nucléaires. Reagan, oui. La première bombe avait explosé en avril 1960. Un essai atmosphérique. Comme les trois tirs qui vont suivre, les fameuses gerboises. Gerboises. Oui, oui, les militaires sont des poètes, comme vous le savez. Avaient ainsi attribué le nom de ce petit mammifère du désert à chacune des expérimentations atmosphériques de Reagan. Gerboises blanches, rouges, vertes et enfin bleues. Mais ensuite, après le mois d'avril 1961, l'armée va utiliser un autre site, plus au sud, dans le massif montagneux du Hoggar. Et certains de ces tirs vont être souterrains et porteront tous un nom de pierre précieuse. Enfin, ça, j'y reviendrai, car le secret qui a entouré toutes ces expérimentations a permis de nombreuses manipulations. Et donné lieu à bien des mensonges. Dont la population et des militaires français continuent à payer le prix dans leur chair, aujourd'hui encore. Mais enfin, ça, on en parlera. En tout cas, pour de Gaulle, il fallait poursuivre ces tirs qui étaient essentiels pour mener à bien la constitution de la force de frappe. Même si déjà, dans la perspective de l'indépendance algérienne, il avait été décidé de poursuivre les expérimentations dans les possessions françaises de Polynésie. Ouais. Mokuiroa et Fangataufa. C'est ça. Ouais. Mais ces nouveaux centres d'essai ne seront opérationnels qu'au milieu des années 60. Et donc en attendant, il faut pouvoir garder les bases sahariennes. Et c'est ce qu'obtiendront les délégués français lors de la négociation des accords d'Évian qui vont déboucher sur le cessez-le-feu, puis sur l'indépendance de l'Algérie. Les représentants algériens l'acceptent facilement ? Oui, ce sera l'objet des clauses secrètes des accords d'Évian. Mais au Sahara, il n'y avait pas que les champs de tir de l'arme nucléaire. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Au total, les Algériens ont accepté que la France conserve quatre bases militaires au Sahara, c'est-à-dire les sites de Reagan in Ecker, où l'on expérimentait la bombe, mais aussi près de Colombéchard, le site d'Amaguir. Où l'on procédait là, à des tirs de fusées spatiales. Et si je compte bien, là, ça fait 3 sites et le 4e. Celui-là, c'est le plus secret, le plus mystérieux aussi. Situé près de la frontière marocaine, il est connu sous le nom de B2 Namous. Et il restera aux mains des Français jusqu'à la fin des années 70. Ah oui, alors que les autres bases seront rendues aux Algériens, quoi. 3 ou 4 ans après l'indépendance. Pourquoi cette exception ? Peu de patience et je vous répondrai. Auparavant, il faut remarquer que cette affaire des bases françaises au Sahara était si importante pour le général de Gaulle qu'il a fermé les yeux sur les nombreux accrocs que le gouvernement algérien fera subir aux accords d'Évian. Par exemple ? Le non-respect des garanties accordées à la communauté des pieds noirs. Et surtout, le sort qui a été réservé aux harkis abandonnés par la France et massacrés par les nouveaux maîtres du pays. Oui, malgré les nombreux témoignages qui attesteront de ces violences. En effet. Mais le gouvernement français n'a pas bougé. Et il a laissé faire pour les raisons que je vous ai indiquées. Pour le général de Gaulle, visiblement, l'essentiel était ailleurs. Oui, alors dans ces annexes secrètes des accords d'Évian. Bien entendu. Je voudrais aussi vous dire que le choix de l'Algérie pour les expérimentations atomiques est très ancien. Dès le début des années 50, des savants ont rêvé d'édifier un Los Alamos français au nord du Sahara, entre Tlemcen et Colombéchard. Los Alamos, il faut le rappeler, c'est l'endroit où ont été conçues les premières bombes atomiques américaines. Mais ce rêve est écorné lorsque la guerre commence, fin 1954. Ce projet n'avorte quand même pas tout à fait, puisqu'on édifie là, ces bases sahariennes dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas que cela. Un institut de recherche nucléaire est créé à Alger au milieu des années 50, afin de former des cadres spécialisés en liaison avec des organismes de recherche de la métropole, comme le CNRS. À l'origine de l'entreprise, on trouve le chercheur Francis Perrin, haut-commissaire à l'énergie atomique, mais aussi cet homme dont nous avons parlé la semaine dernière, Salah Bouakir. Ce polytechnicien franco-musulman là, qui a été l'adjoint de Paul Delouvrier. Et qui a joué un grand rôle dans la conception et la mise en œuvre du plan de Constantine. Oui, mais qui a trouvé la mort dans des circonstances curieuses en 1961. Oui, une noyade prétendument accidentelle. Bouakir a peut-être payé le fait qu'il a certainement noué des relations avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Enfin, inutile d'y revenir. La pose de la première pierre de cet institut de recherche a eu lieu en décembre 1957. Et la construction a été achevée en 1959. Le bâtiment comportait 3 500 m² de laboratoires et d'accélérateurs de particules. Qu'est devenu cet institut là, après l'indépendance ? Une seconde tranche de bâtiment a été édifiée. À noter que ces installations très modernes ont été financées par la France. Un cadeau ? On peut voir les choses comme ça. La pérennité de nos bases sahariennes méritait bien quelques sacrifices. Et le personnel là, de cet institut ? Le personnel initial, composé de chercheurs français, a forcément été réduit. Mais des coopérants français civils et militaires auxquels se sont joints des Algériens les ont remplacés. Quant aux travaux scientifiques, ils ont longtemps été téléguidés par des organismes scientifiques parisiens tels que l'École normale supérieure ou le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et ensuite, dans les années 1970, ces liens se sont distendus. Et c'est le ministère de la Défense algérien qui a pris en main l'institut. Mais jusqu'où est allée cette coopération en matière nucléaire ? Très difficile à dire, car, détail intéressant, aucune trace de cette aventure ne subsiste plus en France. Les archives du CEA sont vides. Qu'en concluez-vous alors ? Que tout ce qui touche au nucléaire est décidément bien secret. Et même, n'ayons pas peur de le dire, exagérément secret. Vous allez le constater dans la suite de cet entretien. Petit retour en arrière à propos des accrocs faits aux accords d'Évian par la partie algérienne. Extrait de l'ouvrage collectif « L'histoire secrète de la Ve République ». Les benbellistes poussent à l'exode, déjà largement entamé, il est vrai, des pieds noirs. Résultat, la troisième partie de la déclaration de garantie relative aux Français résidant en Algérie, en qualité d'étrangers, c'est-à-dire ayant conservé la nationalité française, tombe rapidement en quenouille. De même, L'article, qui précisait noir sur blanc que nul ne peut être inquiété, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discriminations quelconques en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Les harkis et les autres combattants musulmans de l'armée française apprendront à leurs dépens que cette clause est elle aussi abrogée dans les faits. Le secret, vous disais-je, s'il était concevable qu'il s'impose sur la technologie de la bombe et le processus des différents tirs, il était par contre critiquable quand il a concerné les conséquences physiques de ces expérimentations sur les militaires qui les ont pratiquées. Et aussi les populations locales. Bon, là, vous avez raison. Mais sur ce point particulier, on ne sait rien. Absolument rien. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu savoir. Hein. Et ça frise le racisme. Ouais, parce que ces femmes et ces hommes comptaient peu. Exactement. Mmh. Mais remarquons aussi que les autorités algériennes ont fait preuve du même aveuglement quant au sort qui a été réservé à leurs ressortissants exposés au danger des radiations. Un danger qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui, où de vastes zones sahariennes demeurent irradiées. C'est donc, si je vous comprends bien, là, que ces tirs nucléaires n'ont pas tous été effectués avec succès. Ou qu'ils ont au moins donné lieu à des incidents malencontreux, parfois fort graves. Vous avez des exemples, hein ? Oui, je vais vous les donner. Auparavant, il faut dire que beaucoup de militaires présents sur place lors des essais n'étaient pas préparés, où on même était d'une rare imprudence, par ignorance souvent. Ainsi ce colonel, qui après la première explosion, a ordonné à son chauffeur de le conduire au point zéro. C'est-à-dire l'endroit le plus dangereux. Évidemment. Ouais. Et de façon complètement absurde, il lui a demandé de planter un drapeau tricolore dans le cratère. Mais pourquoi c'est... Bon, cet officier a tout simplement dit que n'ayant pu planter son drapeau à Dien Bien Phu, il avait voulu le planter au point zéro de la bombe atomique. C'est de l'inconscience, ça. Appelez ça comme vous voulez. Mais le résultat, c'est que plus tard, ce malheureux chauffeur a développé un cancer de la face. Mais il y a encore plus grave. À l'occasion d'autres tirs, les soldats ont été purement et simplement considérés comme des cobayes. Par exemple, lors du tir de Gerboise Verte, où pour analyser le comportement des hommes et des matériels en cas de guerre atomique, on a commandé des manœuvres sur le site de l'explosion. Mal protégés, de nombreux militaires ont été alors contaminés. Ça, c'est une imprudence coupable. Hein. Ou à tout le moins, une réelle méconnaissance du danger. Mais il est évident que ces expérimentations atmosphériques pouvaient générer de graves conséquences. Lors du premier tir, dont la puissance équivalait à 3 ou 4 fois celle de la bombe d'Hiroshima, le nuage radioactif a été perdu. Je comprends pas. Hein. Ce nuage, équivalent à celui de Tchernobyl, s'est dirigé vers le sud. Bon, sans doute vers le Tchad, où il aurait survolé N'Djamena. Et ensuite, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, embarrassant quand même. Mais les essais souterrains n'ont pas été moins inquiétants. Un seul exemple, celui de Béryl, au début mai 1962. C'est-à-dire tout de suite après le putsch des généraux d'Alger. Y a-t-il eu précipitation dans la préparation de ce test ? C'est très possible, parce que les autorités militaires craignaient par-dessus tout que les mutins s'emparent de la bombe, quoi qu'il en soit. Alors que 2000 personnes, dont 2 ministres, assistaient au tir, laissés à déraper. C'est-à-dire ? Le bouchon qui obstruait le puits où avait été placée la bombe a sauté au moment de l'explosion. Le granit s'est fissuré et a laissé s'échapper un impressionnant nuage de fumée noire qui a déclenché une vraie panique chez les spectateurs. Les officiels, qui avaient des véhicules, ont décampé. Mais les braves troufions, dans l'ignorance de la gravité de l'incident et de ses conséquences, sont restés 3 heures sur place et ont été contaminés. 2 mois plus tard, nouvel accident. De quelle nature cette fois-ci ? Oh, il s'agissait d'un essai froid, selon la terminologie utilisée par les spécialistes. C'est-à-dire qu'il fallait tester les détonateurs. Il n'était donc pas question d'opérer un vrai tir, mais un test avec de l'uranium appauvri. Cependant, l'explosion ne s'est pas produite lors de la mise à feu. Des hommes sont alors allés vérifier le système. Et au moment où ils intervenaient, il y a eu une intense déflagration. 4 d'entre eux sont morts et d'autres ont été brûlés et contaminés. Ils ont été rapidement conduits dans un hôpital militaire en métropole, dans le plus grand secret. L'accident n'a donc pas été rendu public. Ah bah surtout pas. C'est assez récemment qu'il a été révélé. Oui, mais il en a été de même, hein, pour l'irradiation de tous ces soldats qui ont participé aux essais. Il y a relativement peu de temps que ces affaires ont été connues. En 1995, exactement, grâce à un article retentissant du Canard enchaîné. Bah, depuis, vous le savez sans doute, les vétérans, en tout cas ceux qui étaient encore en vie, se sont regroupés. Oui, ils ont exigé des indemnisations. Mais le ministère de la Défense a longtemps fait la sourde oreille. Il a fallu attendre 2007 pour que les autorités reconnaissent enfin que 4 essais sur 13 effectués dans le Sahara avaient laissé échapper des produits radioactifs et que des exercices impliquant des fantassins, des hélicoptères et des véhicules avaient été conduits en zone contaminée. Mais sans danger pour les hommes. Ah oui, c'est toujours le déni, quoi. Toutefois, les vétérans ont poursuivi leur combat. Et en 2010, le ministre a dû admettre qu'il y avait eu des contaminations. Ouais, et que les gens malades avaient droit à être indemnisés. Et cette fois, il a bien fallu admettre que 12 tirs sur 13 effectués dans le hangar avaient été suivis de fuites dans l'atmosphère. Mais il y a encore plus préoccupant. C'est l'état actuel des sites sahariens où ont eu lieu ces expérimentations nucléaires. L'armée française a commencé à s'en inquiéter en 1965, c'est-à-dire 2 ans avant le départ définitif des militaires. Ouais, c'est-à-dire. Le service de sécurité radiologique remet un rapport secret sur l'assainissement du site où ont eu lieu les tirs souterrains. Un terrain s'étendant sur 365 hectares est ainsi délimité. Circonstance aggravante, c'est en grande partie une zone de pâturage. Et les experts ont constaté que les animaux qui y paissent sont fortement contaminés. Mmh. Et que faudrait-il faire alors? Ce même service évalue à 1 an de travail par 250 personnes la mise en conformité de ce territoire selon les normes internationales. Oui, la décontamination donc. Oui, ouais. Oui, mais enfin c'est trop long et trop cher à mettre en œuvre. Conclusion, on se contente de traiter les endroits les plus chauds. Et pour le reste, on clôture ces 365 hectares sans aucune forme de protection. Ouais. Ce qui signifie qu'un jour ou l'autre, là, les autochtones et leurs bêtes franchiront ces barbelés qui finiront par rouiller. Ah oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les clôtures ne défendent plus rien. Et le Sahara a beau être un désert, on estime quand même que des milliers de nomades et même des sédentaires vivent dans cette région d'Ine Ecker. Plus généralement, il faut bien constater qu'aucune étude sanitaire n'a été réalisé sur les éventuelles conséquences des essais nucléaires français sur les populations locales et l'environnement. Il y a de quoi s'inquiéter, car si le sol a été contaminé, il y a aussi tous ces matériels, véhicules compris, qui ont été enfouis sous le sable. Parce qu'ils étaient radioactifs. Et les autochtones les déterrent pour récupérer des métaux et les vendre. En 1999, l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a conduit là-bas une mission d'inspection. Si elle a conclu à la faiblesse des risques, elle a quand même repéré 4 zones qui devaient être interdites d'accès. Mais ça n'a été réalisé que 8 ans plus tard. Par les autorités algériennes, donc, qui ne se sont donc guère pressées. Ça, c'est la vérité. Alger, non sans arrière-pensée, se sert aussi de cette question pour faire pression sur Paris et raviver les tensions entre les deux pays, dont les relations demeurent toujours très délicates, 50 ans après la fin de la guerre. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Un journaliste du Parisien, Nicolas Jacquard, s'est rendu en 2010 dans le Sahara afin d'enquêter sur les séquelles des essais nucléaires. Extrait de l'un de ses articles. À l'époque, hors les quelques milliers d'employés algériens de l'armée française dont la dosimétrie n'a jamais été relevée, les militaires considéraient que le Sahara était tout simplement vide. Pourtant, rien que dans le secteur de Reagan se trouvaient près de 20 000 habitants, nomades ou sédentaires. Plus au sud, la région de Tamanrasset, où se trouve Ine Ecker, compte 150 000 personnes à l'heure actuelle qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Très peu d'études ont été réalisées sur leur santé, mais les témoignages abondent sur des hausses significatives de cancers et de malformations congénitales. Ces essais, c'est une catastrophe de l'avenir, martèle Jean-Paul Tessonnière, avocat de nombreux vétérans. Leurs conséquences se font sentir sur plusieurs générations. Les tensions franco-algériennes, avez-vous dit, ont donc été ravivées à cause de cette question des retombées nucléaires. Oui, ce n'est pas tout à fait innocent. Que voulez-vous dire ? J'observe que l'Algérie voudrait développer un secteur nucléaire civil. La construction d'une centrale, quoi. Bien entendu. Elle pourrait donc avoir besoin d'une assistance technologique de la France. Relancer le débat sur les conséquences des essais nucléaires des années 60 pourrait être aussi un moyen de faire pression sur Paris. Ah ouais, donnant, on oublie les séquelles des essais et vous nous donnez un coup de main pour construire notre centrale. Pourquoi pas. Et à des conditions très favorables, naturellement. Alors, notons qu'en février 2007, se tient à Alger un colloque sur les essais français au Sahara. Signe de l'importance que le gouvernement algérien attache à la question, cette réunion est placée sous le haut patronage du président Bouteflika. Et la conclusion est claire. La France doit s'acquitter de réparations pour tous les dégâts commis. C'est aussi, d'une certaine façon, une condamnation de la colonisation. Et pour un régime qui n'est pas très populaire et un président qui est en fin de règne, c'est également une cause qui permet de ressouder les rangs. En 2010, nouveau colloque. Le thème est encore plus critique. Il est question des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la période des essais sahariens. Réponse de la France ? La loi Morin, cette loi si difficilement obtenue par les vétérans de la guerre d'Algérie, concerne aussi les Algériens irradiés, à condition pour eux de pouvoir prouver avoir résidé dans le secteur à l'époque des essais et au plus tard le 1er janvier 1967. C'est assez restrictif quand on songe aux populations nomades. Et d'autre part, la zone géographique prise en compte est calculée à partir de 150 km maximum autour des sites des tirs, alors que certains estiment que la contamination radioactive est allée bien au-delà. Donc la controverse n'est pas près de s'éteindre. Enfin, ça, on peut le penser. Mais si l'Algérie veut obtenir des indemnisations, il faudrait aussi qu'elle s'occupe plus sérieusement de l'état sanitaire de ses citoyens irradiés et également de leur descendance. Car la polémique ne suffit pas. Surtout quand on prend en compte les anciennes connivences entre la France et l'Algérie indépendante. Ah ouais, là, je sens que vous allez me parler de cette mystérieuse base secrète que vous évoquiez au début de cet entretien. Oui, oui, la base B2 Namouz. Tout d'abord, je dois dire que l'existence de ce site ultra secret n'a été révélée que très tardivement, en 1997, par l'un de vos confrères du Nouvel Observateur, Vincent Jauvert. Le lieu ensuite, c'est un plateau calcaire bordé à l'est et au nord par les hautes falaises de l'Oued Namous qui a donné son nom à cette base. Peu accidenté, ce terrain est assez éloigné de régions habitées et jouit d'un climat quasi similaire à celui de l'Europe. C'est important pour la nature des essais qui vont y être effectués. Ouais, des essais d'armes chimiques. Et bactériologiques. Ouais. Des armes de destruction massive, donc. Oui, cette base, la plus ancienne des bases sahariennes de la France, a été édifiée dès 1935. Manifestement, les militaires pensent alors à la perspective d'une seconde guerre mondiale et à la répétition de ce qui s'est passé en 14-18. Ouais, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme chimique, les gaz. Oui, mais comme vous le savez, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les belligérants n'auront pas recours à ces redoutables poisons. Il n'empêche qu'à Namous, on a fabriqué et expérimenté des armes à base de gaz moutarde et de phosgène sur un vaste polygone de 100 km de long sur 60 de large. Ouais. Et après la guerre, là ? Dans le cadre de l'OTAN, les expériences reprennent à B2 Namous, le nom de code du site dans les années 50. Ouais. Des armes dont l'utilisation est pourtant interdite par les conventions internationales. Ah bah c'est pourquoi le secret le plus rigoureux est imposé. Mais alors, quand vient l'indépendance algérienne ? L'armée veut garder cette base à tout prix. Ouais, malgré le fait qu'elle possède l'arme atomique. Oui, l'arme chimique peut être encore utilisée dans des guerres conventionnelles. De Gaulle en personne tient à ce que les essais se poursuivent. Et ce qui se passe au Vietnam le conforte dans cette idée. Ouais, l'agent orange là, dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Et il sait parfaitement que les deux grandes puissances continuent leurs expérimentations. Avec cet argument parfaitement hypocrite. En principe, on ne fabrique pas d'armes, mais on cherche à s'en protéger. Ouais. L'existence de la base est donc au menu des négociations d'Évian. Oui, mais comme les autres sites stratégiques. Et ce sera l'objet d'une annexe secrète au terme de laquelle les Algériens accordent un délai supplémentaire de 5 ans à l'existence de B2 Namous. Je vous ai parlé des dimensions géographiques de la base. Mais il faut aussi savoir que 400 personnes y travaillent durant les campagnes d'essai. Le champ de tir lui-même est équipé de tours et de 50 pylônes de prélèvement et de 10 km de canalisation enterrée. Et puis, il y a les systèmes d'enregistrement. Oui, c'est un, très important. Donc, 50 délais, là, ça nous mène en 1967, c'est bien et ça. C'est l'année où les autres sites nucléaires ou spatiaux sont abandonnés. Mais De Gaulle veut conserver à tout prix Baie-de-Nanous, où il a ordonné secrètement la reprise des recherches sur la guerre chimique et bactériologique. Ouais. Mais n'est-il pas imaginable de procéder ailleurs à ces recherches, hein? Bon, on procède aussi à des essais en métropole sur la base de Mourmelon, mais on ne peut y mener que de petites expériences. À cause des populations voisines. Tandis qu'à Baie-de-Namous, on peut pratiquer des expérimentations en vraie grandeur des différents produits et surtout les persistants, dont les effets nocifs durent plus longtemps. Alors, bah oui, comment persuader les Algériens? C'est bien la question, non? Tout à fait. La négociation est serrée. Et pour amadouer les Algériens, il faut consentir à leur céder les équipements militaires des trois autres bases qu'on leur rend, c'est-à-dire Reagan, Ineker et Amaghir, d'une valeur de 50 millions de francs pour la moitié de ce prix. Et Alger accepte le marché? Alors, malgré la réputation d'inflexibilité du nouveau président algérien, Ouari Boumediene, oui. Un dirigeant qui est aussi pourtant, enfin, très anti-occidental. Hein. Alors peut-être a-t-on minimisé l'importance exacte des essais pratiqués sur la base. À moins, tout simplement, que Boumediene n'ait pas voulu dire non au général de Gaulle. Mais ce qui est très révélateur, c'est que de part et d'autre, on a exigé un secret total. Même le ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, n'a pas été tenu au courant. Quant au négociateur algérien, le commandant Chabou, il est mort un peu plus tard au cours d'un étrange accident d'hélicoptère. Encore une mort suspecte? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, la France a donc gagné un nouveau délai. Oui, 5 ans de plus. Mais les Algériens ont exigé des mesures de camouflage. Ouais, ce qui signifie? À Baie-de-Nanmous, les militaires français devront désormais travailler sous couverture civile. C'est maintenant une filiale de Thomson, la Sodetec, qui sera leur employeur officiel, même si c'est l'armée qui garde l'autorité et le contrôle sur la base et les essais auxquels on y procède. Autre modalité de camouflage. La garde extérieure du site est assurée par l'armée algérienne. Et enfin, la Soleteg est censée travailler officiellement pour cette même armée. Même les véhicules militaires français sont repeints. Et les produits utilisés pour composer les armes chimiques ne passent jamais en douane. Et ces modestes précautions là, ont donc suffi à convaincre les Algériens? Non, il a bien sûr aussi été question de loyer. Ah oui, donc de compensation financière. Et aussi de facilité pour acquérir du matériel militaire. Toutefois, le plus étonnant, c'est qu'un renouvellement de l'accord secret sur Baie-de-Namous a été signé pour 5 ans en 1972. Mais la France a dû accepter que quelques spécialistes algériens soient associés au déroulement des expérimentations. Cependant, comme tout a une fin, l'installation de Baie-de-Namous a été détruite et a été rendue à son état naturel, en principe au moins. Mais en France même, on a continué les expérimentations chimiques au moins jusqu'en 1987. Deux livres pour terminer, Les Irradiés de la République, Les victimes des essais nucléaires français prennent la parole, de Bruno Barillot. C'est le premier chercheur à s'être intéressé aux conséquences des essais. Et puis Atomic Park, à la recherche des victimes du nucléaire, de Jean-Philippe Desbordes. À samedi prochain, vous retrouverez les références de ces ouvrages sur franceinter.fr. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et de toutes petites notes de musique de Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.